La première aventure de Corentin Quimper, de Paul Féval. Envoi à Madame C de C. C'est chez vous, Madame, que j'entendis parler pour la première fois des trois petits aventuriers de Saint-Malo, vainqueurs de Paris la grande ville et du reste de la terre. Il y a de cela bien longtemps, mais je me souviens encore de l'emphase charmante que vous mettiez à nous dire le long titre de la légende originale. Victoires et conquêtes de Quimper, Corentin, de Saint-Malo, dans le commerce, la marine, l'industrie, les arts, la noblesse, la politique et tout, avec les aventures de Petit Guerne, gentilhomme du cousin Jean Piteux et de la cousine Fanchette Le Goff, histoire utile et agréable, donnant les moyens de faire fortune dans Paris comme ailleurs. Le précepteur de votre petit Charles, qui est maintenant un grand bel officier, ah, le temps passe, vous reprochait de ne point aimer le commerce, et se donnait la peine de vous apprendre avec le grand sérieux des précepteurs que le commerce est le lien des nations. Vous lui répondiez par la terrible histoire de vos 50 domestiques des deux sexes, successivement initiés à la science du vol par des fournisseurs très honnêtes. Moi, je restais neutre, je n'ai point de passion. J'admire peu le commerce, qu'il soit en gros ou en détail, mais je penche à croire que c'est un mal nécessaire. Quand même je le pourrais, j'hésiterais à supprimer mon boulanger. Je vous avais promis, madame, de faire un livre avec ces poésies du terroir marchand, gaieté, émotion, épouvante. Je tiens aujourd'hui ma parole. Mais comme la légende au complet est encore plus longue que son titre, je n'en servirai à mes lecteurs qu'un épisode. Ce premier voyage au long cours de mon héros, raconté par lui-même, permettez-moi de vous l'offrir. Ma plume ne saura point reproduire les délicatesses de votre parole, mais j'ai du moins ce mérite d'avoir suivi la chronique bretonne à travers les 5 départements de la Bretagne, où elle comporte d'innombrables variantes. Vous remarquerez, madame, que j'ai fidèlement conservé à votre illustre compère Robert Surcouf la petite place si originale que vous lui faisiez au début de l'aventure. J'ai connu, dans ma jeunesse, le glorieux marin de Saint-Servan, et je lui ai entendu prononcer son fameux mot « sale femme » qui, dans sa bouche, de bourru bienfaisant, ne sonnait nullement comme une injure. Pour ne point m'égarer, je respecterai ainsi tout ce que vous avez dicté à mon souvenir et je choisirai dans le reste. »